Chapitre 7. De la réception que nous fit Toussaint Morin et d'une surprise que nous eûmes au début de notre voyage. Le sabord éclairé de la jeune Émilie se faisait déjà rouge à travers la nuit, qu'on entendait encore la voix mâle de papa Quimper racontant l'histoire du plus riche des matelots. J'étais debout. Mes yeux restaient fixés sur ce pauvre phare dont la lueur devenait à chaque instant moins distincte. Jean s'était assis sur un banc et tenait sa tête entre ses deux mains. Je crus que ses penchants étaient les mêmes que les miens et je lui dis tout bas « C'est vrai que nous laissons derrière nous de bon cœur. » Il me répondit « Oui, c'est vrai. » C'est une futée petite commère, et je crois qu'elle a eu raison de prendre plutôt de la mercerie. Ça ne charge pas, c'est facile à cacher en cas de danger. On doit gagner facilement 300% là-dessus, en choisissant bien son marché. Je l'appelais cœur de galet, j'eus tort. Ce n'était pas qu'il fût sans regret, mon cousin Jean, au contraire, il en avait trop. Il regrettait non seulement nos parents qui avaient aimé et protégé son enfance, mais veuve Élie dont il n'avait jamais eu que des coups. Il s'attachait par l'habitude, comme les chats. Il tenait à Patron François, à Fifi Jacquet, au bel Amédée, à tous les Élie. Il aurait voulu emporter jusqu'à la paille qui lui servait de matelas dans son ancien cercueil. Nous allions vite avec le courant du jusant. La dernière lueur venant de la jeune Émilie disparut bientôt à mes yeux et ce fut comme un froid qui me prit le cœur. Tant que nous fûmes dans le port, nous avions l'abri des remparts. L'eau était calme, il faisait chaud et lourd, le ciel se chargeait de gros nuages. Nous passions le long des navires immobiles sur leur ancre. Le premier mouvement de houle nous souleva entre Saint-Malo et Saint-Servant, vers la porte de Dinan par où nous avions coutume de venir au port en sortant de la maison Élie. Jean me dit « Voilà Monsieur Beignet. » Monsieur Beignet était un préposé de la douane qui visitait régulièrement les poches des membres de la tribu Élie, signalés tous et toutes comme faisant la mignonnette. C'est le nom qu'on donne à la petite contrebande honteuse. Depuis que j'avais perdu de vue le sabord de la jeune Émilie, la fièvre des aventures reprenait en moi le dessus et je me sentais si gaillard que j'agitais ma casquette en criant « Bonsoir, papa Beignet, bien des choses à la boutique !» Jean se laissa glisser au fond du bateau comme si M. Beignet eût porté sous son bras un canon chargé à mitraille. Il murmura plaintivement « Malheureux, nous voilà découverts !» Le bonhomme Beignet mit sa main au-devant de ses yeux en visière. Nous passions si près que nous l'entendîmes marmotter. On dirait la voix de ce polisson de Quimper. Je parie que les Élie vont débarquer du vin d'Espagne sous la Hollande. C'est drôle, des gens si honnêtes, c'est comme ça qu'on devient riche. La Hollande est un gros bastion, avec terre plein où la garnison de Saint-Malo fait l'exercice et qui commande la rade. On y voit encore les vieux canons qui parlèrent tant de fois aux Anglais. J'ordonnai à Coco de nager ferme. Grâce au courant du reflux, nous fûmes en une minute hors de la vue de M. Beignet et nous perdîmes l'abri de la ville. Le vent était faible, mais il venait du nord-ouest et c'était grande marée. La houle se faisait dure. Le bateau du brigadier, mauvaise barque, ronde comme un sabot, se mit à danser pesamment, et Jean eut mal à l'estomac tout de suite. Moi, Dieu merci, j'ai le pied marin ainsi que le cœur, et on peut bien dire que ça m'est venu tout seul, car la mer ne me connaissait pas encore. Au temps dont je parle, je n'avais été ni à Dinard, ni à l'île de ses ambres, ni à la Conchée, vivant autant dire, de la vie d'un prisonnier au magasin. Cependant, je me trouvais là aussi bien que sur l'herbe et je pus donner quelques consolations à Jean tout en guettant au gouvernail. Car la lame voulait à chaque instant nous prendre par le travers. La rade de Saint-Malo n'est pas douce et nous embarquions de l'eau plus qu'il ne fallait. Je ne me souviens pas d'avoir vu de nuit plus sombre. La mer flammait comme on dit quand l'écume jette des phosphorescences. Jean se plaignait misérablement. Ces lueurs sinistres qui n'aident pas à voir lui donnaient l'idée de l'enfer. L'orage menaçait. Nous sentions cela. Ce fut un éclair qui me montra la première silhouette de navire en partance pour Terre-Neuve, à une centaine de brasses en avant de nous. « Attention !» dit Jacques Coco. « La Marie-Pauline ne doit pas être loin. Nous allons la reconnaître au prochain éclair. » Jean se tordait au fond de la barque, geignant à petite voix. « Mon saint patron, ne m'oubliez pas. Sainte Barbe, Sainte Claire, qui préservez du tonnerre, je voudrais être à piler du poivre, ayez pitié de moi !» Coco signala trois ombres de navires, une à droite, une à gauche, une devant. Il ne savait auquel nager. Je choisis celui qui était devant nous, comme disait maman, au petit bonheur. Coco se pendit à ses avirons et je donnai le coup de barre qu'il fallait pour ranger quelque chose de massif, de haut et de sombre, qu'on distinguait à peine dans la nuit, toujours de plus en plus noir. J'ai ouï dire qu'à présent la police est aussi bien faite dans les rades qu'à Paris, et que les embarcations y ont des lanternes comme les fiacres sur le boulevard. En ce temps-là, ce n'était pas de même. Sur les 20 navires qui étaient en partance, on ne voyait pas seulement une chandelle. J'accostais par la hanche de tribord selon la consigne, et je hélais avec précaution. « Hola, hé, oh, oh !» Pas de réponse. Maman Quimper l'avait dit, j'étais né coiffé. Du premier coup, je tombais sur le bon numéro. Pourtant, par surcroît de prudence, je répétais mon signal en élevant la voix. Le résultat fut le même. La masse noire s'entêta à rester muette. Je donnai l'ordre d'aborder. La houle nous gênait terriblement, et il y eut un instant où je crus que nous allions être broyés sous le flanc de la Marie-Pauline. Mais je veillais bravement tout debout, et je pus saisir une manœuvre qui pendait au hauban de tribord. Cette corde, sans nul doute, avait été attachée par le bon Toussaint Morin, ancien condisciple de mon frère l'abbé, et présentement maître trancheur à bord du navire qui allait nous mener à notre fortune. Toute ma gaieté était revenue. « Allons, Jean » m'écriai-je. « Allons, en voiture ! C'est ici la cour des messageries !» Jean laissa échapper une plainte sourde et ne bougea pas. Je dis à Coco de lâcher ses avirons, puisque je servais d'amarre, et de soulever Jean pour lui permettre de saisir la manœuvre à son tour. Mais alors, ce fut bien une autre affaire. Jean se mit à se lamenter en disant « Je m'en veux retourner. Je vois bien que je n'ai pas de goût pour les voyages. Ramenez-moi chez la bonne Madame Élie. Ô Seigneur, mon Dieu, que j'aime patron François, Fifi Jacquet et Pilé le Poivre. C'est mon état, j'y vivrai, j'y mourrai. » J'essayais de le haranguer. Rien n'y fit. Je le menaçais de le hisser de force, mais, à sa manière, Jean Piteux était un garçon résolu. Il appela la garde. Ma main, qui était déjà une des plus solides de ma connaissance, le bâillonna pendant que je lui glissais à l'oreille. « Ce n'est pas 300% qu'on gagnera sur la pacotille. C'est 600, c'est 1200 et le double encore. » Le mot « pacotille » parut le ranimer un peu, et comme je l'avais saisi par la peau du cou, il me demanda « Est-ce que, de vrai, tu serais capable de me faire du mal, mon cousin Corentin ?» Je répondis « Mon cousin Jean, je serais capable de te tuer comme un lapin, pas davantage. » Je pense que mon accent portait avec soi la persuasion, car il ne résista plus et s'accrocha à la corde. Je le fis monter le premier pour plus de sûreté. Sa tête dépassa bientôt le plat-bord, et nous le vîmes s'arrêter pour regarder sur le pont. Il resta là si longtemps immobile que je pris de l'inquiétude. « Que vois-tu, Jean ? » demandai-je tout bas. Il me répondit « Je ne sais pas !» La nuit était véritablement noire comme de l'encre. Jean se pencha vers nous et dit encore « Sur ce bâtiment-là, il n'y a personne. Ce n'est pas naturel. Nous ferions mieux de nous en aller. » Je mentirais si je disais que j'avais le cœur tranquille. Mais l'orgueil me soutenait et je n'eus même pas l'idée de tenter le sort ailleurs, tant j'avais la ferme conviction que nous étions sur la Marie-Pauline. Je grimpai à mon tour et je poussai mon piteux qui enjamba bon gré mal gré le bastingage. Coco nous demanda d'en bas « Y êtes-vous ? » et avant d'avoir la réponse, il reprit « Amusez-vous bien, ce n'est pas un grain qui prend, c'est la peau du diable. Demain, pour mettre à la voile, vous aurez du boucan. Moi, je n'ai que le temps de me sauver avant la grande anse. Bonsoir !» Je le vis pousser au large et sauter sur ses avirons. Avant de pouvoir les border, il faillit être rejeté contre le navire. Je me tins à quatre pour ne pas lui crier de revenir, mais j'eus honte, et d'ailleurs, aurait-il obéi? La houle s'enflait à vue d'œil. Accroché que j'étais au ras du plat-bord, je me sentais balancé comme dans une escarpolette. À mon tour, je regardais sur le pont où Jean était affaissé comme un petit tas de chair morte. Je ne vis rien. Le temps de tourner la tête, le bateau du brigadier avait disparu. C'était le dernier lien entre la terre et moi. Un frisson me passa par les veines, mais je franchis le bastingage assez gaillardement et je rejoignis Jean qui était à genoux et qui pleurait tout bas. « Nom de bleu !» m'écriai-je en le relevant. « Ne fais pas l'enfant ! Laurent Bruant, quand il partit, n'avait pas notre pacotille !»« Je donnerais la pacotille pour 30 sous !» me répondit-il du fond de son accablement. « Il n'y a jamais eu de Laurent Bruant, je veux m'en aller !» Il se laissa retomber parce qu'un grand coquin d'éclair flamba derrière l'île de ses ambres, éclairant le pont comme un coup de soleil et nous montrant les 19 navires à l'ancre autour de nous. Le pont n'était pas solitaire, ainsi que nous l'avions cru. Il y avait, au pied du grand mât, un homme couché sur le dos et à l'arrière, auprès de l'habitacle, un homme couché sur le ventre. Ils avaient l'air de deux cadavres et, pour le coup, je me mis à trembler de tous mes membres. Jean, lui, n'avait rien vu. Ses mains étaient appuyées contre ses yeux et il s'était repris à réciter ce qu'il savait de litanie avec des sanglots à fendre l'âme. Il n'y eut point de tonnerre après l'éclair qui fut suivi seulement d'une courte rafale. Puis un calme soudain se produisit, accompagné d'une grande chaleur et d'un profond silence, au milieu duquel on entendait les bâtiments gémir sur leur ancre et la voix lointaine du large qui grondait. Je pensais bien que l'homme couché au pied du grand mât devait être Toussaint Morin, et comme j'étais déjà en plein pays d'aventure, je bâtissais une histoire de Forban qui avait surpris ce pauvre homme en faction pendant le sommeil de l'équipage pour l'assassiner sans pitié. Je traversais le pont à quatre pattes. J'arrivais au cadavre qui ronflait comme une toupie. Ma poitrine fut soulagée d'un poids énorme. « Excusez-moi de vous déranger comme ça, monsieur Toussaint Morin, » dis-je poliment. « C'est moi qui viens de la part à mon frère Guénolé, celui qui est pour être abbé et qui a été votre camarade d'école. » Toussaint Morin ne répondit pas. Je le secouai d'abord bien doucement, puis plus fort. Il n'en ronfla que mieux. Et comme je m'avisais de me pencher sur lui, son haleine me sauta aux narines. Je me crus à la bonde d'un baril de genièvre. Jean Piteux, ne me voyant plus, sanglotait tout bas. « Corentin, Corentin Quimper, mon cousin Corentin, aurais-tu bien le cœur de m'abandonner dans la perdition ?» La patience n'est pas mon fort. Je donnais un maître coup de poing sur l'épaule du dormeur et je lui criais dans l'oreille. « Nom de bleu, monsieur Toussaint Morin, voulez-vous vous éveiller, oui ou non ?» Cette fois, Jean m'entendit et rampa vers moi sur le ventre. Au moment où il arrivait, une goutte de pluie, large comme la moitié de ma main, fouetta mon visage. Je crus que quelqu'un me battait. En même temps, la grêle retentit sur les planches du pont plus bruyamment que si on eût jeté des pelletés de pois secs du haut des hunes. Mon dormeur lui-même fut troublé par cette mitraille qui lui criblait les paupières. Il ne s'éveilla pas, c'est vrai, mais il jura. Nous pensâmes, du moins qu'il jurait, car nous ne prîmes point garde à ses paroles. Jean avait dit « La pacotille va être mouillée ». Nous cherchions déjà l'abri du grand panneau. Quoique nous eussions toujours été prisonniers chez les Hélies, nous savions comment se comporte l'intérieur d'un navire, puisque notre berceau était un brick goélette. Nous aurions été plus embarrassés dans une maison de plâtre et de pierre. Jean et moi, nous descendîmes l'échelle du grand panneau et nous nous guidâmes d'instinct vers l'endroit où devait être le chargement de sel. Le dedans du bâtiment était désert et silencieux comme le pont, et à mesure que nous approchions de la cale, l'haleine de Toussaint-Morin semblait me poursuivre de plus près. Jean était tout content d'avoir sauvé la pacotille au sec. « Ça sent fort le skidam de Hollande, » dit-il. « Madame Surcouf entend les affaires. Au lieu d'envoyer son bateau à vide, elle a embarqué du skidam pour rapporter de la morue. » « C'est nous la morue pour l'instant, » répondis-je. « Voilà notre sel, cachons-nous dedans jusqu'au réveil de Monsieur Toussaint-Morin. Diable d'homme, dort-il dur quand il a son plein de genièvre ?» J'avais trouvé l'entrée d'une soute et j'enfonçais déjà jusqu'aux genoux dans ce que je croyais être du sel. Jean me suivait fidèlement. Il ne tremblait plus autant depuis qu'il y avait un toit entre lui et la bourrasque. Il me dit « Pendant que je croyais mourir là-haut, je t'ai fait mon héritier. S'il m'arrivait malheur, souviens-toi qu'outre la mercerie, j'ai arrimé autour de moi tous les objets que j'avais ramassés chez la bonne Madame Élie. Au contraire, si je réchappe à ma colique aussi bien qu'aux autres périls de la mer et que tu viendrais à décéder en chemin, je te promets d'épouser Fanchette pour nous deux. » Je ne voulus pas le mécontenter au moment où il me léguait son avoir. Mais l'idée que Fanchette Le Goff pourrait se rabattre sur Jean Piteux après avoir eu l'ambition d'être Madame Corentin Quimper me parut monstrueux, comme le fait de l'impératrice Marie-Louise donnant un soudard autrichien pour successeur à Napoléon. Nous étions déjà aux trois quarts ensevelis quand Jean s'écria tout à coup « Ce n'est pas du sel !» Je portais vivement ma main pleine à ma bouche et je vis que nous baignions dans un océan de riz. « Nous nous sommes trompés de soute, » m'écriai-je. « Ou de navire, plutôt, » riposta Jean. « Tu sais bien que nous n'avons pas compris quand ce monsieur Toussaint-Morin a juré au commencement de la grêle. Ça ne me paraissait pas être des noms de noms de chez nous. » Je n'eus pas le temps de répondre. Nous entendîmes un grand tintamarre, comme si un troupeau d'éléphants eût marché dans le faux pont. On criait, on chantait, on se disputait, mais en langue étrangère. Et de ce qui se disait, nous ne comprenions pas un traître mot. Nous n'étions pas sur la Marie-Pauline, il n'y avait plus à en douter. Ce n'était point la faute de Fanchette, son signal aurait été fort ingénieusement choisi sans le navire hollandais. Mais ce diable de Hollandais avait tout perdu. Pendant que son équipage était au cabaret, à Saint-Servan ou à Saint-Malo, les hommes de garde avaient entonné leur genièvre sur place, selon la coutume de ce peuple fidèle, rangé, probe, paisible mais éternellement altéré. Le bruit intérieur ne dura pas. Au bout de 3 minutes, les allées et venues cessèrent, les clameurs s'étouffèrent, tout fit silence, excepté l'orage. L'équipage batave était au lit. Jean et moi, nous avions du riz jusqu'au bec, comme deux chapons bouillis. Dans cette litière, Jean ne souffrait plus beaucoup des mouvements du navire. « Ces frisons-là, me dit-il tout gaillard, vont peut-être aussi en Amérique. Je ne tiens pas à Terre-Neuve, qui est un pays froid. Il n'y a pas plus riche que les grandes Indes, et au Cap de Bonne-Espérance, on trouve des négociants qui ont de quoi solder notre pacotille avec de l'indigo et des dents d'hippopotame. À l'île Bourbon, c'est du sucre. » Et c'est de la liqueur à la Martinique. Je ne sais si Jean continua son cours de géographie marchande, mais nous étions admirablement calés et bercés. Bientôt, je ne l'entendis plus, et je poursuivis en rêve le roman de mes aventures qui avait une si brusque entrée en matière. Quand je m'éveillais, j'avais les côtes endolories et ma tête me faisait mal. Tout autour de moi, j'entendais un bruit assourdissant, mais monotone, et, à chaque instant, quelque chose me fouettait le visage en coupant ma respiration. Je cherchais Jean, il avait disparu. On y voyait un peu, approchant comme dans une cave qui serait éclairée par un soupirail trop étroit. Je reconnus bientôt que mes suffocations périodiques avaient pour cause le riz agité par la marche du navire au milieu d'une tourmente. Tout à coup, une violente embardée dérangea le niveau du riz et découvrit la tête de Jean littéralement submergée. On avait dû mettre à la voile pendant que nous dormions, et la bagarre hollandaise fatiguait, courant au plus près dans les passes, par une mer épouvantable pour gagner le large. « Jean ! » m'écriai-je à pleine voix. « Nous sommes partis !» Jean s'éveilla en sursaut. Au moment où il ouvrit les yeux et la bouche, un coup de tentage lui envoya 3 pieds de riz par-dessus la tête. Mais je n'eus même pas l'idée de lui porter secours, je restais pétrifié. La tête de Méduse s'était dressée devant moi. Je venais d'apercevoir à l'entrée de la soute une énorme figure barbue et touffue dont les gros yeux étaient fixés sur moi avec stupéfaction. L'homme à qui appartenait cette figure épluchait tout innocemment des pommes de terre dans une jatte de bois, mais il me sembla terrible à voir et je ne fus pas éloigné de prendre son couteau de cuisine pour un cimeter. Il restait là, bouche béante, à me regarder. Le pauvre Jean, cependant, suffoquait, travaillait à se dégager. Peu à peu, il montra sa tête au-dessus du riz. À sa vue, l'homme à la barbe touffue lâcha son coutelas et ses pommes de terre et agita ses 2 bras en criant « Abraham, Cornelius, Peters, mein Herr Hans !» Il ajouta bien quelques mots à cette liste de noms propres, mais je n'y compris rien. Jean pataugeait comme quelqu'un qui se noie. En ce moment, les efforts convulsifs qu'il faisait rapprochèrent sa figure de la mienne, il me dit à l'oreille « C'est ça, je viens de rêver que nous étions perdus. Ils vont nous assassiner. Voilà les aventures, c'est du propre !»